soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à brûler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Demandez de bien vouloir vous installer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et je donne la parole à Marie Zoffo, qui est secrétaire de séance, pour procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Présent. Pardon. Berger Jean-Pierre. Labiche Siam. Artigue Gilles. Berroukesh Nora. Durand Frédéric. Sémage. Et voilà, vous avez l'ambiance, et oui, voilà l'ordre du jour qui vous attend durant ce programme. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde, bienvenue dans Des mots, des sons sensibles, l'actualité politique, sociale et culturelle, l'actualité politique en ce mardi 26 novembre 2024, lendemain de ce lundi 25 novembre, qui, eh bien vous l'avez entendu et vous l'entendez encore et vous allez l'entendre durant ce programme, était consacré à une nouvelle séance de conseil municipal. Sixième séance de cette année 2024, une séance qui s'est tenue hier après-midi à Hôtel de Ville, bien entendu. Et en ce lendemain d'eux, nous allons tenter de vous en faire un petit retour restitution durant près de l'heure à suivre et à passer ensemble. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. Actualité politique donc, conseil municipal de Saint-Étienne, dernier de cette année 2024. Et puis tout cela sera complété, vous l'entendrez, par quelques infos ici ou là. Nous allons ouvrir comme à notre habitude en musique, n'y voyez aucun lien, Serenade et Damnation. Eh bien c'est le titre du premier album de Dead Chic. Un premier album qui est paru le 8 novembre dernier via Upton Park. C'est bien sûr la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine. Vous savez que c'est notre règle d'or que d'ouvrir ce programme par nos partenariats issus de notre fédération des radios associatives rock de France. Voilà, parmi les deux propositions de cette semaine, comme chaque semaine bien sûr, deux propositions. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur Dead Chic, ce premier album, Serenade et Damnation, qui est issu de la rencontre de deux artistes, Andy Belcon et Damien Félix, lors de tournées de leurs groupes respectifs, N Moonshaker et Catfish, ont décidé donc, à l'issue de cette rencontre, de réaliser et concrétiser cette formation Dead Chic, rejoint ensuite par Rémi Ferbus à la batterie, qui a sévi aux côtés de Kimber Rose ou Mélissa Lavaux, ou encore Mathis Akengin au clavier, complice de Damien justement dans Catfish. Voilà, c'est le quatuor qui compose Dead Chic. Et pour cet album donc, premier de Dead Chic, Serenade and Damnation, dont j'ai issu eh bien la deuxième plage qui s'intitule Fortune. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Calling through these lessons that we lead ourselves to learn. as Venus screams up to my window and the world resumes to turn. From the pocket of the cops, she offers fortune, offers meaning to all that we've forgotten. Then you unleash this challenge to one stream. You move in motion to the freedom of this moonlight offering. Let it be told. We are freedom, we are honest, we are known. We are rich and we are true to all we know. There's no compromise to self in what we all believe. Let it be told. C'était Fortune de Dead Chic en partenariat Découverte Ferrarock cette semaine. Alors un titre qui nous permet d'entrer pleinement dans notre sujet du jour consacré à ce dernier conseil municipal tenu hier lundi 25 novembre. Fortune, oui pourquoi pas, il va être aussi question de comment dire, sonnant et trébuchant. Forcément, on parle aussi de décisions budgétaires, d'attribution, de subventions, qui a aussi été abordée hier à l'ordre du jour de ce conseil municipal et largement discuté d'ailleurs à plusieurs reprises et sur plusieurs points. Il n'est pas question là d'aborder cette fortune et de ces milliers d'euros, on le rappelle, 50 000 euros pour exemple, et pour toujours bien sûr envoyer à l'affaire en cours. 50 000 euros de la part de la municipalité qu'aurait touché Gilles Rossary Langlais via des subventions versées à des associations stéphanoises qui l'auraient ensuite rémunéré, mais ce qui en est en tout cas par la suite à apporter une vigilance tout à fait particulière à l'attribution de subventions. Fortune non plus concernant les milliers d'euros qu'ont dû régler les protagonistes dans cette affaire. Gaël Perdrion, en l'occurrence, il y a un an de cela, condamné à régler sa caution de 60 000 euros afin de ne pas être placé en détention provisoire. Bref, laissons cela de côté ou presque, parce que se tenait donc hier cette sixième séance de conseil municipal de cette année 2024 et dernier de cette année 2024. Alors c'est une semaine de conseil. Habituellement, le conseil municipal laisse place ensuite dans la semaine au conseil métropolitain. Alors exceptionnellement, ce conseil de Saint-Étienne Métropole ne se tiendra pas ce jeudi, mais aura lieu semaine prochaine, ce sera le 5 décembre. Ce sera l'occasion aussi pour Gaël Perdrio finalement de fêter cet anniversaire, 2 ans de mise en retrait de ses fonctions à la métropole. C'était en décembre 2022. Alors, une séance hier chargée sur le papier, 108 dossiers à l'ordre du jour, 4h49 de séance, plutôt efficace, et une séance des plus calmes. Voilà, chose assez surprenante depuis les dernières éditions et derniers conseils de cette année et de ces dernières années, je dirais, depuis plus de 2 ans maintenant et depuis les révélations et l'affaire, bien entendu. Alors, calme plat, en effet, en tout cas des échanges courtois, un conseil constructif, malgré l'ordre du jour chargé et les sujets parfois qui pouvaient ou aurait pu s'envenimer au fil des discussions. Pas de comité des fêtes hier, voilà aussi, peut-être bien, les citoyens, citoyennes, voire même élus, s'épuisent aussi au fil de ces conseils et de cette affaire toujours en toile de fond. Alors, étant donné qu'il s'agissait de ce dernier conseil de cette année 2024, et vous l'avez entendu dès mes propos d'emblée, c'est aussi, pourquoi pas, l'occasion de faire un petit retour sur ce qui a pu se dérouler cette année 2024. Et pour ce, je suis tombé par hasard en quelques recherches sur la page Wikipédia de Gaël Perdriau, ce qui va nous permettre de refaire synthèse finalement des derniers points et des derniers éléments de ces derniers épisodes. Je vais donc citer. Lors du premier semestre 2024 au conseil municipal, les lignes bougent de plus en plus vite. L'ambiance est parfois houleuse lorsque ces affaires de sextape sont évoquées par les opposants très régulièrement. La majorité perd de plus en plus de membres, l'opposition se renforce, de plus en plus d'élus quittent le groupe du maire pour siéger dans l'opposition, voire démissionnent de leur poste au conseil municipal. Les vexations diverses, voire les sanctions exercées par le maire sont immédiates après toute action ou prise de parole des opposants, nouveaux ou plus anciens, issus de la majorité ou de l'opposition. Régulièrement, des adjoints au maire perdent leur délégation en sanction face à cela et surtout au refus persistant de Gaël Perdriau de se mettre en retrait total de ses fonctions, au moins le temps que la justice fasse son œuvre. Des élus de la majorité décident collectivement, en juin dernier, de ne plus exercer leur fonction d'adjoint ou de délégué en quittant la majorité. Le but de ce nouveau groupe d'opposants, Saint-Étienne avant tout désormais, est alors, grâce à un nombre de départs de la majorité qu'ils espèrent suffisant pour atteindre un quota avant le 31 décembre 2024, de provoquer l'obligation juridique d'élection municipale anticipée, car il n'y aura plus alors pour la majorité de réserve de personnes en nombre suffisant pour pourvoir ces postes vacants parmi ceux qui étaient dans la liste des candidats de Gaël Perdriau lors des dernières élections municipales. Mi-septembre dernier, nouveau coup de théâtre, les élus ayant quitté le groupe majoritaire annoncent finalement ne pas vouloir démissionner du conseil municipal car cela provoquerait des élections municipales anticipées. Or, ils craignent à cette occasion la victoire des partis extrêmes. On apprend aussi en septembre 2024 les manœuvres des avocats de Gaël Perdriau dans le but de retarder son procès le plus possible afin que celui-ci ait lieu dans les ou après plutôt les élections municipales prévues en 2026, puisque finalement il n'est plus question d'élections anticipées. Voilà pour la page Wikipédia que l'on remercie pour cette synthèse des derniers éléments et derniers épisodes. Effectivement, au sein du conseil municipal ou concernant le conseil municipal, rappelons toujours via cette page que l'affaire est en cours, présumé innocent bien entendu, néanmoins avec toujours le rappel que Gaël Perdriau est mis en examen pour chantage, placé sous statut témoin assisté pour détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique et sa mise en examen étendue par la suite au chef d'association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. Bref, voilà pour la petite synthèse rappel. Vous rappelez encore que c'était donc hier ce dernier conseil municipal, sixième de cette année, mais dernier de cette année 2024. Et précisément, eh bien, les choses étaient beaucoup plus posées et plus calmes hier. Référence très discrète à l'affaire, sans vexation, sans colère, sans ambiance houleuse et agitée. En tout cas, véritablement, il n'est plus question d'élection municipale anticipée. Néanmoins, il est encore question d'élection municipale. Je vous l'avais annoncé en sommaire de ce programme. Ce sera l'occasion, au travers de ce conseil, d'annoncer quelques informations complémentaires. Eh bien, c'est le cas pour des élections municipales, précisément. On rappelle que les prochaines élections seront en effet des municipales qui auront lieu en mars 2026. Et à Saint-Étienne, eh bien, des choses bougent. Et il y a quelque temps de cela, s'est créé un projet municipal ancré à gauche de rupture à Saint-Étienne. Une première assemblée générale s'est tenue pour ce projet municipal intitulé Sainté Populaire. C'était le 6 septembre dernier à la Bourse du Travail Salsaco et Vanzetti. Environ 150-200 personnes issues du monde associatif, syndicaliste, politique, culturel, de la société civile, se sont rassemblées pour réfléchir et imaginer collectivement donc l'avenir de Saint-Étienne. Alors c'est une démarche certes de gauche, radicale, populaire, un projet qui se veut une rupture avec eh bien, l'ambiance aussi précisément et la politique actuelle, défaillante en certains points, selon le groupe, en tout cas en rupture avec les politiques traditionnelles, et dans l'intention de placer les citoyens, citoyennes, habitants, habitantes au cœur de la réflexion sur l'avenir de notre ville. Bref, une démarche participative, vous le comprenez. Alors un second rendez-vous après ce 6 septembre et cette Assemblée Générale avait été proposé le 2 octobre, qui finalement ne s'était pas tenu. Mais voilà, Synthé Populaire de retour et d'actualité pour cette fin de semaine et ce 30 novembre, le village de Synthé Populaire. Alors, eh bien il y aura précisément une journée ce 30 novembre à l'Amicale Laïque de Chaplon. Synthé Populaire à un an et demi des prochaines élections municipales, a décidé donc de se structurer et de se mettre en mouvement. Et eh bien, l'accueil sera fait à partir de 14h. Différents pôles seront présentés lors de cette journée. Il y aura en effet un pôle communication, un pôle action et vie militante, un pôle coordination, bref, différents pôles présentés. L'occasion eh bien, d'échanger de façon conviviale aussi, discuter, échanger, approfondir sur ces différents points qui seront présentés. Voilà, ça se passe pour le village de Synthé Populaire en vue des municipales 2026, ce 30 novembre à l'Amicale Laïque de Chaplon. Mais revenons à notre conseil municipal actuel et celui qui s'est tenu donc hier après-midi, lundi 25 novembre. Je le disais, 108 dossiers à l'ordre du jour, 4h49 de séance, donc un format plutôt resserré, court, je le disais, et efficace pour cette nouvelle séance de conseil municipal qui s'ouvrait par avant l'ordre du jour en tant que tel, un temps d'hommage sur lequel nous allons revenir et auquel nous allons nous associer d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui même se tient une cérémonie et donc obsèques concernant ce professeur émérite de médecine légale et du droit de la santé, chevalier de la Légion d'honneur, Michel Debout, disparu le 18 novembre dernier. Cérémonie qui se tient aujourd'hui, ce matin même, à 11h. C'était cette fin de matinée au crématorium de Montmartre à Saint-Étienne. L'occasion, eh bien, en effet, de retrouver ces petits mots et quelques hommages rendus en toute ouverture de séance auxquels nous joignons, ayant reçu ici au micro durant ces dernières années à plusieurs reprises Michel Debout sur les compétences qui vont être appelées d'ici un instant. Avant d'ouvrir le conseil municipal, je voudrais rendre hommage au professeur Michel Debout qui a été élu à Saint-Étienne. Je crois que nous le ferons à deux voix avec Madame Isabelle Dumestre qui souhaitait également lui rendre hommage au nom de son groupe. Michel Debout nous a quittés dans la nuit du lundi 18 novembre. Originaire de Haute-Savoie, psychiatre, professeur de médecine légale au CHU de Saint-Étienne, Michel Debout a également été conseiller municipal d'opposition à Saint-Étienne de 1983 à 1989 sous le mandat de François Dubanchet, avant d'être candidat dans la vallée de l'Ondaine au Chambon-Feugerolles, où il sera également élu d'opposition à Jean-François Barnier de 1989 à 1995. Engagé politiquement au Parti socialiste, il fut également conseiller régional en 1986, puis de nouveau en 1992. Son action en tant que médecin au service des plus fragiles était reconnue. Il fut notamment à l'origine de la création de l'association Rimbaud, que la ville d'ailleurs soutient toujours et qui œuvre efficacement à Saint-Étienne auprès des personnes victimes d'addiction. Le professeur Debout fut également aux avant-postes dans de nombreux domaines de santé publique, notamment dans la lutte contre le suicide. Je pense tout particulièrement également à son engagement en faveur de l'IVG ou le travail de fond sur les violences au travail. Sans oublier, comme je le disais, la prévention au suicide pour laquelle il était devenu une référence nationale et dont la parole faisait foi sur le sujet. Je propose, Madame Dumestre, de vous donner la parole. Oui, merci. Effectivement, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris la semaine dernière le décès de notre camarade et collègue Michel Debout. Il était encore aux dernières élections municipales présent sur notre liste de Saint-Étienne demain. Alors en fin de liste, il ne s'agissait pas pour lui de siéger, mais simplement de continuer son engagement au service de la collectivité comme il l'a fait tout au long de sa vie. Et vous avez rappelé les grandes étapes. Je retiendrai de lui que c'était à la fois un homme de science en tant que médecin, professeur émérite, mais aussi un homme de lettres qui a contribué à plusieurs ouvrages et qui a écrit encore récemment un dernier ouvrage il n'y a pas très longtemps. Et puis c'était à la fois un homme d'action et de réflexion qui n'a jamais hésité à se mettre en danger, y compris professionnellement, puisque quand il était jeune médecin et qu'il se mobilisait pour le droit à l'IVG, c'était à l'époque contre sa profession, contre effectivement un mouvement conservateur très fort dans notre pays, puisque c'était avant la loi Veil. Et donc, effectivement, il a pris des risques pour sa carrière, il a pris des risques pour lui-même. Et puis, les sujets auxquels il s'est attaqué, que vous avez évoqués, c'était à chaque fois des tabous. Avant la loi Veil, l'avortement, c'était un tabou. Le suicide, c'est encore trop souvent un tabou pour ceux qui le... pour les proches notamment, et les travaux qu'il a pu conduire de ce point de vue-là ont fait beaucoup pour lever justement ces tabous qui sont pourtant, qui pèsent à chaque fois sur des sujets majeurs de notre société. Donc c'était un homme courageux, un homme de lettres, un homme réfléchi qui a porté beaucoup à notre vie politique, tant au niveau local qu'au niveau national. Il était également un des fondateurs de la Fondation Jean Jaurès, et demain on aura un moment de recueillement autour de lui, et je sais qu'il y a plusieurs personnalités nationales qui feront le déplacement pour être là, pour saluer la mémoire de ce grand homme qui était Michel Debout. Merci Madame Dumestre, et en mémoire de Michel Debout, je vous remercie de bien vouloir respecter une minute de silence. Ouverture de cette séance du 25 novembre, donc hier à 14h30, avec cet hommage rendu à Michel Debout. Et le conseil s'ouvrait encore avec un petit changement à nouveau au sein de cette séance dans sa composition suite à la démission de Pierrick Courbon, désormais, vous le savez, élu député, était remercié également en ouverture de ce conseil. Remerciements portant aussi sur ses contributions au sein de ce conseil municipal, élu municipal de l'opposition, sans doute moins quant à son dépôt de plainte contre X pour escroquerie au jugement, subvention qui aurait servi à rémunérer l'organisateur du guet-apens ayant fait l'objet d'une mise au vote en conseil municipal. Pierrick Courbon avait en effet déposé une plainte contre X. Il était d'ailleurs hier présent dans le public de l'Assemblée. Et c'était aussi l'occasion d'accueillir une nouvelle élue en remplacement de Pierrick Courbon à Niondria sur la liste suivante de Saint-Étienne demain, qui rejoignait donc l'Assemblée hier. Et puis s'ouvrait enfin donc le conseil en tant que tel, l'ordre du jour en tout cas, après procès verbal des conseillers municipaux, de mai, juin et septembre dernier, qu'il s'agissait d'approuver. Il s'agissait justement à nouveau de recomposer en quelque sorte aussi le conseil de par certains mouvements. On l'a entendu, des démissions, des changements en effet au sein du conseil. Et notamment là, les deux, trois premiers points à l'ordre du jour concernaient cela en effet. Et notamment l'élection d'un adjoint au maire en remplacement de Christiane Farigoul. C'était à la séance de la rentrée dernière, puisque celle-ci en effet a décidé de démissionner suite, vous l'avez sans doute suivi, à des propos tenus sur les réseaux sociaux, tout à fait scabreux. Et c'est en effet au scrutin secret hier qu'était lancé ce remplacement et donc nouvelle élection. Et c'est précisément une proposition de Gaël Perdriau concernant Diarra Khan pour assurer ce remplacement conseillère municipale et qui était donc nouvellement élue hier en tant que nouvelle adjointe et qui sera désormais en charge du développement durable et du plan vélo. Alors, ensuite, il s'agissait aussi de modifier certaines compositions de diverses commissions, sans rentrer plus en détail dans ces compositions de commissions municipales, mais voilà quelques modifications de par ces changements, justement. Et alors, précisément, eh bien, retrouvons cette nouvelle élue et nouvelle adjointe en charge de vélo, puisque ce sera l'occasion de, eh bien, de la retrouver pour sa première prise de parole. Mais c'était cette fois en toute fin de conseil. Voilà, on peut se permettre aussi ce jeu temporel. En effet, en toute fin de conseil, était posée une question orale portant sur les pistes cyclables. Alors, c'était une question posée par le groupe Le Temps de l'écologie, en la personne de Daniel Tay, d'ailleurs. Et donc, vous aurez l'occasion d'entendre cette nouvelle élue, nouvelle adjointe, Diarra Khan, donc, pour parler de vélo. Pistes cyclables. Monsieur Perdriau, lors du conseil du quartier numéro 7 du 25 septembre dernier, Saint-Étienne Métropole a présenté son plan vélo sur le secteur. Sur Saint-Étienne, des aménagements ont été prévus à Bergson, sur la place de la Terrasse et entre la place de la Terrasse et la rue Saint-Simon à proximité du golf pour un démarrage des travaux à l'été 2025. Les objectifs de ce plan nous ont été dévoilés. Relier le CHU à la ville de Saint-Étienne et le quartier de la Terrasse au centre-ville, participant à l'axe structurant nord-sud de la ville. Relier les axes structurants des quartiers nord-ouest aux villes de Roche-la-Molière et Saint-Genélaire via l'accès par le parc sportif de Michon récemment aménagé. Ce projet n'en est pas à sa première version. Il avait déjà été suspendu en urgence à la suite d'un incident de chantier perturbant le fonctionnement du tramway et du quartier. Le 30 janvier 2022, France Bleu Saint-Étienne relayait les propos de Claude Liogier, alors adjoint au maire chargé des mobilités. Je cite « Le projet est suspendu dans l'immédiat. Je reconnais qu'on aurait dû faire quelque chose avant, en l'occurrence une étude de flux. » La ville assurait quant à elle que l'étude ne prendrait que quelques jours et qu'une décision sur la poursuite des travaux serait prise dans la foulée. Dans ce même article, l'association Aussi Vélo, elle, craignait que l'étude de flux sur le secteur ne prenne des mois, voire des années, et elle avait raison. Le 30 janvier prochain, cela fera donc 3 ans que la ville entendait mettre ce chantier en route. Au baromètre des villes cyclables, la plus grande enquête du ressenti des cyclistes au monde, le dernier classement donne Saint-Étienne 33e sur 38, avec dans la catégorie des grandes villes une note de 2,54 sur 6. Le climat vélo y est qualifié de défavorable par les 765 répondants. Autre enquête, selon l'enquête mobilité de Saint-Étienne Métropole EMC2, enquête mobilité certifiée CEREMA de 2023, nous apprenons que le taux des déplacements en vélo est de 0,7, un taux indigent. Face à ces chiffres, nous, élus municipaux écologistes, demandons que le 1480 mètres de pistes prévues soit effectivement réalisé et suivi d'une véritable politique de pistes cyclables dans notre ville afin d'améliorer les conditions de santé des habitantes et habitants, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de particules fines et enfin de garantir l'accès à une mobilité choisie pour tous et toutes et de réduire le sentiment actuel d'insécurité lié à la pratique du vélo dans notre ville. Monsieur Perdriau, nous vous interrogeons. Quand le chantier de l'aménagement cyclable de la rue Bergson aura-t-il réellement lieu ? Merci. Merci. Pour vous répondre, je donne la parole à Diarra Khan. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci, madame Taille, pour cette question. Je vois que vous avez bien écouté mon intervention lors du conseil de quartier, parce qu'effectivement, les arguments que vous avancez sont ceux que j'ai présentés à l'ensemble du quartier. Donc, c'est une très bonne chose. Juste simplement pour rappeler le contexte et dire à tous ceux qui nous écoutent aussi ce qu'il en est. Le contexte, c'est que nous avons voté un plan vélo métropolitain et que ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma directeur cyclable de la ville de Saint-Denis. Saint-Étienne. Donc le projet de Bergson, c'est un projet qui nous tient tous à cœur au sein de la majorité municipale pour plusieurs raisons, parce que c'est déjà le barreau de la ville de Saint-Étienne. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de passages à ce niveau-là. Donc c'est un axe essentiel de la traversée nord-sud au niveau de la ville. Et ça permet, comme vous l'avez dit et que je l'ai répété pendant le conseil de quartier, de relier le centre-ville aux axes nord de notre territoire. Aussi, j'aimerais rappeler ce qui a été réalisé, parce qu'en 2023, on a plus de 620 000 euros qui ont été investis, notamment pour terminer les aménagements du boulevard de Fraissinet et les aménagements de la rue de la Croix de l'Orme. Cette année, c'est plus de 2,2 millions qui sont investis, avec notamment la liaison entre la Croix de l'Orme et la place du Courrier, et l'aménagement de la rue de Londaine. Donc, pour rappeler aussi les différents objectifs sur Bergson, en fait, il y a plusieurs objectifs, mais j'aimerais pointer trois objectifs essentiels. Le premier, c'est la mise en sécurité des cyclistes, parce que c'est un axe fort de notre territoire, et notamment pour les résidents des quartiers nord de la ville, mais aussi pour toutes les personnes qui vont utiliser cette voie cyclable, notamment ceux qui vont sur le site de l'hôpital nord, ou les étudiants aussi qui vont traverser le nord pour aller jusqu'à la Cité du Design ou à Carnot. Un deuxième objectif, c'est de limiter l'impact sur le stationnement, parce que tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes évoquer la place du stationnement dans notre ville. Et là, en concertation avec toutes les études techniques, les habitants, etc., le projet va entraîner simplement que 4 suppressions de places de stationnement qui sera remplacée par un quai de remplacement au niveau de l'arrêt de tram à Barra. Et le troisième objectif, en fait, c'est de permettre, et ça nous tient à cœur fortement, c'est de permettre une coexistence des différents modes de déplacement entre le tramway, mais pas que. Nous avons aussi le vélo, les piétons, toutes les mobilités douces, mais aussi la voiture. Et l'aménagement donc, de cette voie, c'est une piste cyclable unidirectionnelle avec plus de 1400 mètres qui seront aménagés et de part et d'autre du tramway entre la plateforme actuelle de la voie du tram et aussi la voie de circulation qui sera aussi aménagée. Cette piste sera protégée par une bordure saillante qui va être très sympa et au vu de la ville design aussi que nous souhaitons. Il y a une voie de circulation qui sera supprimée, mais attention aussi à ça parce que nous avons fait des études, comme vous l'avez dit, et on a mené des études sur cette voie et on a constaté qu'on observe une baisse de trafic de 15% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2024. J'entends derrière mon dos que c'est faux, c'est une réalité. Vous pouvez demander au niveau des études que c'est une entreprise à qui nous avons demandé de faire les études, et vous pouvez aller demander les rapports de ces études, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a une baisse entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2024. Pourquoi il y a une baisse? Parce que nous avons fait en sorte d'avoir un fléchage de ces automobilistes qui entrent dans la ville de Saint-Étienne, de passer plutôt sur le boulevard Thiers. Parce que naturellement, à Saint-Étienne, depuis plus de 10-15 ans, les personnes, quand ils rentrent à Saint-Étienne, avaient l'habitude de rentrer par Bergson. Et le travail que nous avons fait, que nous avons mené ces dernières années, c'est de renvoyer le trafic sur le boulevard Thiers, éviter à ces personnes de se retrouver bloquées sur le trafic. Pour résumer, le coût de l'aménagement de ces travaux, c'est 975 000 euros. Et Madame Tay, vous me demandez qu'en est-il des travaux. Vous l'avez bien entendu parce que je l'ai exprimé aussi lors de mon conseil de quartier. Et je remercie en fait tous ceux qui participent, ceux qui nous écoutent, qui participent à ces conseils de quartier, parce que c'est des moments forts, c'est de la mobilisation, c'est de l'engagement, c'est de la discussion et c'est tout simplement de l'intelligence collective. Nous montrons en fait où nous en sommes, nous dites clairement les points bloquants, nous discutons avec les habitants et on avance tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est une très très belle réussite. Les études opérations vont commencer le premier trimestre 2025. Et donc là, je serai accompagnée également de mes collègues Pascal Lacour, Charles Dallara et Abdelwab Bakli. Parce qu'on a décidé aussi le premier trimestre 2025, c'est de travailler toujours comme on le fait depuis le début 2014. C'est travailler en concertation, travailler en proximité avec les riverains et les commerçants du quartier. Donc on a des propositions à leur faire. on est en attente des propositions, des contre-propositions éventuelles qu'ils vont nous donner. Le tout, en fait, c'est qu'on a envie de construire une ville agréable pour nos habitants, de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, qu'on soit à vélo, à pied, en tram ou en voiture. Et l'objectif, c'est de commencer les travaux en été 2025. Ces travaux commencent plutôt pendant l'été parce que c'est là où on a le moins de trafic sur la ville. Et c'est plus agréable aussi pour à la fois nos prestataires et les habitants de réaliser ces travaux dessus. Pour terminer, c'est une belle réussite hein, de travailler comme ça en concertation. J'encourage aussi tous les autres conseils de quartier. Je suis en train de faire tout le tour des conseils de quartier et c'est un grand... On peut avoir des débats, on peut avoir des personnes qui sont contre, au contraire, parce que je sais que dans cette salle, on est tous pour la pratique du vélo et la mise en place de ces projets structurants. On peut avoir des personnes qui doutent un peu et qui veulent faire autrement. Ben justement, on est là pour leur expliquer, on est là pour leur dire le bienfait qu'on a, parce que comme on s'est engagé, on est dans une ville durable et inclusive et on pense à tout le monde. Merci, monsieur le maire. Voilà donc sous forme de présentation finalement hein, de cette élue nouvelle adjointe Diarra Khan, conseillère municipale déjà par le passé, mais depuis hier donc nouvelle adjointe en charge du plan vélo et qui intervenait pour sa seule prise de parole d'ailleurs de ce conseil hier en fin de conseil lors d'une question orale donc posée concernant les pistes cyclables. Alors tout ne va pas si bien et précisément il s'agira encore d'informer et de se positionner quant aux moyens et oui qu'il y aura à disposition pour véritablement mettre en place un plan vélo métropolitain, certes. Alors peut-être sera-t-il l'occasion de l'aborder lors du forum de la transition écologique et énergétique qui aura lieu le 3 décembre prochain au Théâtre du Parc à Andrézieux-Boutéon avec Saint-Étienne Métropole qui organise cet événement. Nous l'avons évoqué avec plus d'inquiétude ce week-end, notamment lors de ce salon de la transition et ce rendez-vous de la transition écologique. T'as tout juste à Saint-Étienne en accueillant un autre micro puisque nous étions en direct samedi et dimanche, l'association Aussi Vélo, pour faire part justement eh bien, de ces suppressions de financement annoncées. Et alors localement, au-delà d'Aussi Vélo, eh bien, ce sont d'autres associations et autres collectifs inquiets sur la question. C'est le cas du collectif d'associations organisatrices de la convergence du GIE qui nous a fait part de ce communiqué et qui se désole au travers de celui-ci du gel des crédits 2024 du plan vélo et de son abandon pour les années à venir, quelques jours après les inondations qui ont durement frappé la vallée du Gier et ont fait la démonstration qu'il fallait urgemment développer les mobilités douces. Cet abandon est un coup dur inacceptable selon le collectif qui rappelle que vendredi 25 octobre dernier, une semaine après les inondations qui ont dévasté Rives-de-Gier, Givors et de nombreuses autres communes, mises à terre de nombreux services publics comme la voie ferrée Givors-Saint-Étienne, qui a dû être interrompue, Michel Barnier et Agnès Pannier-Runacher étaient à Givors pour annoncer le troisième plan d'adaptation au changement climatique visant à mettre toutes les politiques publiques au service de l'adaptation au changement climatique. Mais voilà, le vélo en fait-il partie? A priori non, puisque c'est avec consternation et colère que le collectif d'associations organisatrices de la convergence du GIE a appris eh bien, que les promesses de gel des crédits 2024 du plan vélo et son abandon pour les années à venir. Concrètement, ce sont des millions d'euros du plan vélo qui étaient destinés à aider les collectivités à aménager des pistes cyclables qui vont disparaître. Alors déjà sur les crédits prévus pour cette année, qui ne seront pas dégelés, mais qui vont aussi disparaître en 2025 et les années suivantes. Voilà qui est une très mauvaise nouvelle pour ces collectifs et associations engagées sur la mobilité douce et notamment le déplacement vélo. On rappelle que depuis 2017 et la première convergence à vélo organisée par le collectif, des centaines de personnes, des dizaines d'associations se mobilisaient chaque année pour exiger une véloroute dans la vallée du Gier, une connexion aux véloroutes existantes et des infrastructures qui permettront d'accroître l'usage du vélo pour des déplacements du quotidien en toute sécurité, y compris entre zones rurales et urbanisées, pour rejoindre les gares par exemple. L'engorgement de la vallée du Gier par les transports carbonés nécessite d'investir urgemment sur les mobilités douces. L'abandon du plan vélo et les besoins financiers de communes durement frappées par les inondations risquent malheureusement de les repousser au calende grec. C'est ainsi que signent ce communiqué les organisateurs de la convergence du GIE. Inquiétude en effet, aussi vélo et signataire, hein, notamment membre de ce collectif et signataire de ce communiqué. Et en effet, on l'a appris aussi par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, au niveau national, qui s'inquiète également bien sûr des conséquences hein, de ce projet de suppression des financements en 2024 et 2025 du plan vélo national, parce que cela met à mal en effet des centaines de projets d'infrastructures pour le vélo et la marche hein, notamment, et qui privera la France d'une politique de transport du quotidien efficace, économe, écologique. Et donc, tentative est faite d'alerter le gouvernement à nouveau hein, pour tenter de sanctuariser le financement du plan vélo, parce que cela faisait partie un des piliers de son action climatique, le plan vélo 2023-2027. Il s'agissait d'investir chaque année 250 millions d'euros. C'était ce qui était promis, en effet, jusqu'en 2027. Et bien cela, finalement, risque d'être franchement compromis. Ce sont, je le disais, des centaines de projets dans ces collectivités qui risquent d'être mis à mal. Alors, un abandon du plan vélo, c'est la question qui est posée. En tout cas, pour l'heure, la FUB va tenter d'interpeller le gouvernement via notamment les parlementaires et notamment les sénateurs et sénatrices dans le cadre du projet de loi de finances 2025 en cours, et tenter donc de rétablir ce fonds vélo et notamment ces 250 millions d'euros par an, puisque les impacts de ces coupes iraient bien au-delà des économies budgétaires modestes ainsi réalisées. C'est la sécurité des cyclistes, la lutte contre le réchauffement climatique et l'efficacité des investissements pour les mobilités actives qui seront sacrifiés. Nous poursuivons notre séance de conseil municipal après ce petit aparté avec un autre point qui était à l'ordre du jour hier, dossier numéro 29. Il s'agissait là, dans son intitulé, de réactualisation des conditions générales de vente des droits et abonnements du stationnement sur voirie consécutivement à la mise en place du LAPI. Alors, ce dossier 29, de quoi il s'agit? De déplacement toujours, mais cette fois motorisé. En fait, déplacement, mais surtout stationnement. Vous connaissez peut-être ce dispositif LAPI, ou l'avez observé, LAPI qui signifie lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et oui, c'est une voiture flasheuse, appelée aussi la sulfateuse APV, puisque si un agent aujourd'hui effectue entre 200 et 250 contrôles par jour environ, bien cette sulfateuse APV peut scanner, elle, 1000 à 1500 plaques d'immatriculation en seulement une heure. Bref, c'est la lutte contre la fraude au stationnement qui est avancée comme argument principal, alors avec bien sûr forcément une hausse des amendes annoncée de 50 à 70%. Alors la ville s'est acquise de deux véhicules radar, qui est testé depuis le 6 novembre dernier. Alors un sujet bien sûr qui divise et qui d'ailleurs pour l'instant est en phase test, hein, c'est-à-dire qu'aucune amende n'est validée pour l'heure, mais en tout cas grande inquiétude également auprès de certains élus, et vous allez l'entendre justement avec diverses interventions sur ce point. Dans le 29, la réactualisation des conditions générales de vente des droits et abonnements du stationnement sur voirie, consécutivement à la mise en place de la lecture automatisée et des plaques d'immatriculation. Monsieur Boyer. Merci. Dans le cadre de la mise en service du système LAPI, la ville a été interpellée par la Ligue des droits de l'homme qui s'inquiétait des atteintes aux libertés qui pourraient en découler. Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet ? Par ailleurs, nous interrogeons sur la mise en œuvre de ce dispositif au regard des porteurs de cartes de stationnement pour personnes handicapées. Pouvez-vous nous préciser comment le dispositif va s'adapter afin de ne pas verbaliser systématiquement ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Peslon ? Oh, simplement une petite précision qu'on avait demandé en commission, c'est pas grand-chose, mais de bien faire apparaître dans le dossier le léger coût qu'il doit y avoir de la réactualisation de l'outil, c'est tout. On nous a pas fait passer le montant, mais c'est pas très grave, mais j'aimerais bien qu'on puisse nous le donner, quoi, c'est tout. Pas d'autres questions ? Alors je donne la parole à Marie-Jo Pérez pour vous répondre. Oui, effectivement, on en avait parlé en commission. Et excusez-moi, j'ai envoyé à Isabelle Dumestre, hein, qui était elle qui me l'avait envoyé, mais je vais vous lire ce que j'ai envoyé à Isabelle. Bonjour Isabelle. Suite à votre... Tu dis bonjour Nicole, voilà. Voilà, alors bonjour Nicole, je te l'enverrai Nicole, la copie. Suite à votre demande en commission espace public du 14 novembre courant, je porte à votre connaissance le coût de la réactualisation des conditions générales des ventes des droits et abonnements du stationnement sur la voirie, mise à jour du logiciel LAPI, l'investissement et la mise en place du logiciel, donc c'est 15 756 €, voilà, le fonctionnement, abonnement, licence. Pour l'année 2024, donc au prorata du temps, c'est environ 4 000 €, et pour l'année 2025 et les années suivantes à venir, 16 836. Voilà, je mettais également que pour rappel, cette mise à jour est nécessaire en raison de l'obsolescence du logiciel de la gestion des droits de stationnement des abonnés. Voilà. Et concernant, je réponds également que concernant la demande de copie du courrier. De réponse de Monsieur le maire à la Ligue des droits de l'homme, on va vous le faire parvenir, je dirais, maintenant, dans les heures qui suivent. Donc, je ne t'oublierai pas, Nicole. Excuse-moi. Merci. Je ne l'ai pas demandé. Hein. Je mets donc aux voix ce rapport. Y a-t-il des oppositions, Madame Dumestre ? Simplement pour rassurer nos concitoyens qui sont porteurs d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, parce que la question nous est arrivée après la commission, savoir, parce que ça ne se voit pas forcément sur leur plaque d'immatriculation. En fait. Oui, alors nous travaillons actuellement donc avec... On a lancé d'ailleurs des invitations aux responsables donc aux responsables de l'ordre des médecins, le département aussi. Donc nous avons une date qui doit être confirmée ces jours-ci. Et on travaille également avec nos collègues de la santé, du handicap et de RH. Mais concernant donc les plaques d'immatriculation pour les personnes handicapées, il n'y aura pas de souci puisqu'on pourra mettre plusieurs plaques d'immatriculation donc de la famille, de la personne handicapée, tout ça, dans le logiciel. Mais je pense qu'on pourra vous donner en commission la prochaine fois plus d'infos. Mais on travaille énormément sur tous ces points, de façon à ce que ce soit bien clair. Pour le moment, nous sommes en test, vous le savez aussi, et on ne fera rien, on ne mettra rien en place. Ce sera uniquement lorsque tout sera bien clair, que tout le monde sera d'accord, que tout sera bien fait, et on procédera donc à une information publique avant de mettre l'API en service. Oui, alors si j'ai bien compris, on va être sur du déclaratif, c'est-à-dire que les personnes handicapées vont devoir se rapprocher de la ville pour déclarer leur véhicule. Oui, bien sûr, on sera obligé d'avoir les cartes de chaque personne, on rentrera, et c'est pour ça que pour les personnes handicapées, il y aura plusieurs immatriculations de la famille qui pourront être acceptées. Puis on fera le point une fois que la période d'expérimentation sera terminée pour voir les différents cas de figure qui se présentent à nous. Je mets donc ce rapport, Madame Dumestre. Oui, et sur l'autre partie de la question de notre collègue François Boyer, sur les inquiétudes dont vous avez fait part la LDH qui concernait elle plus l'atteinte aux libertés, puisque vous avez déjà les réponses. Oui, Marie-Jo Pérez a répondu qu'à cette lettre ouverte publique, il y aurait une réponse ouverte publique, qui s'appuie d'ailleurs sur le déploiement de ce système dans d'autres villes, où évidemment la CNIL, on a reçu d'ailleurs l'autorisation de la CNIL il y a quelques jours, on rassurera la Ligue des droits de l'homme sur ces questions. Et nous, vous pouvez nous rassurer, parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'auront pas accès au courrier que vous allez envoyer. Les droits seront préservés, ils auront tout le détail en réponse à la lettre ouverte que j'ai reçue dans une réponse ouverte. Voilà. Dit comme ça, ce n'est pas super rassurant, parce que vous ne donnez quand même pas trop de garanties. Mais si, je vous dis que la CNIL nous a donné la possibilité de mettre en place ce dispositif, et je réponds à tous les points sur notamment l'anonymat des plaques d'immatriculation, sur le fait que les données ne sont pas conservées au-delà de la verbalisation. Tout ce que la CNIL nous impose, évidemment, nous le suivrons. Mais vous savez, on n'est pas une ville pionnière en la matière. Il y a d'autres grandes villes qui l'ont mis en place. On s'inscrira dans leur sillon. Je mets donc aux voix, dont la ville de Montpellier, oui, que vous devez peut-être, vous avez peut-être plus d'amis qu'ailleurs. Alors voilà, pour ce point, l'API, justement, lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et oui, alors on profite de l'occasion simplement pour rappeler, par exemple, concernant la CNIL, cela nous ramène aussi à 2019, où la CNIL avait adressé un avertissement à la municipalité de Saint-Étienne, dont les politiques sécuritaires étaient, je cite, « susceptibles de violer les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel ». Gaël Padrillon avait en effet fait installer une cinquantaine de micros sur la voie publique, un projet expérimenté sur les habitants du quartier populaire de Tarentaise-Beaubrun-Courriot, parce qu'il est capable d'enregistrer les voix et les conversations des personnes se situant autour de lui. Le dispositif envisagé a nécessairement pour effet d'intervenir dans le champ d'autres droits fondamentaux des citoyens, plus particulièrement dans celui de l'exercice de leur liberté d'expression, de réunion, de manifestation, d'association et d'aller et venir, avait souligné la commission. Bref, la CNIL, ça c'est du passé. Aujourd'hui donc sollicité et consulté pour ce projet, en effet, donc de voitures flasheuses et stationnements, où il s'agira forcément aussi de renflouer un peu les caisses. Alors, de Technopolis, justement, aussi, il est ou va être question. Ça nous permet tout simplement de faire transition avec une petite parenthèse et cette annonce-là. Tout le monde déteste la Technopolis. Connaître et combattre la Technopolis à l'ère de l'IA. Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est un livre de Félix Tréguier, drone logiciel prédictif, vidéosurveillance, algorithmique, reconnaissance faciale. Le recours aux dernières technologies de contrôle se banalise au sein de la police, loin de juguler la criminalité. Toutes ces innovations contribuent en réalité à amplifier la violence d'État. Elles renferment ou referment plutôt nos imaginaires politiques et placent la ville sous contrôle sécuritaire. C'est ce que montre ce livre à partir d'expériences et de savoirs forgés au cours des luttes récentes contre la violence et la surveillance plutôt policière, pardon pour le lapsus, de l'industrie de la sécurité aux arcanes du ministère de l'Intérieur, de la CNIL aux véhicules de l'officier en patrouille. Il retrace les liens qu'entretient l'hégémonie technosolutionniste avec la dérive autoritaire en cours. C'est une conférence de Félix Tréguier à partir de cet ouvrage qu'il donnera et s'en suivra un débat avec le public, bien sûr. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date, ce sera le vendredi 6 décembre à 21h au Méliès Saint-François à Saint-Étienne, organisé par le collectif Halte au contrôle numérique et la librairie L'une et l'autre, entrée à prix libre. On rappelle que Félix Tréguier est quand même chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, membre de la Quadrature du Net et l'un des initiateurs de la campagne Technopolis. Et il est par ailleurs l'auteur de Contre-histoire d'Internet du 15e siècle à nos jours. Voilà, rendez-vous le 6 décembre prochain à Méliès Saint-François. Et à propos d'intelligence, mais artificielle toujours, le 27 novembre, c'est ce mercredi à 19h, c'est une conférence de l'hôtel de ville de l'association de philosophie Aussitôt dit, avec Vivien Garcia à propos de son livre « Que faire de l'intelligence artificielle ? Petite histoire critique de la raison artificielle ». C'est un ouvrage qui est paru cette année aux éditions Rivage, et Vivien Garcia aura l'occasion aussi de le présenter au travers donc de conférences, pour ces conférences de l'hôtel de ville, qui se passent habituellement à l'hôtel de ville, mais qui là est pour le coup décentralisé. Ça va se passer à la médiathèque de Tarentaise, à la salle de la Cinémathèque. Et c'est ce mercredi 27 novembre à 19h. Mais revenons, après ces parenthèses, à l'hôtel de ville, précisément, avec, comme le temps tourne très vite, une toute dernière proposition à vous faire part. Et oui, il s'agit forcément d'être sélectif. On n'a pas toujours le temps dans la préparation de minuter les choses. Alors on va laisser des points à l'ordre du jour. Il y a eu de nombreux. Ceux qui ont occupé la plus grande place dans ce conseil municipal d'hier, dans cette séance, c'est le rapport social unique. C'est également le dossier portant sur le commerce, le dossier numéro 58. D'autres dossiers encore intéressants, l'attribution de subventions discutées au travers de différents points, notamment pour exemple le dossier 52 qui portait sur le développement durable, mais pas que. Également le dossier 65 autour de la Bauge et ce dispositif à l'adresse des étudiants étudiantes. Mais vous pouvez aller sur le site de la ville, bien sûr, de saint-etienne.fr, pour aller sur chacun des dossiers revisionner justement ces échanges concernant ces différents points. Un autre point a été abordé sans manquer d'intérêt non plus, c'est l'attribution de subventions exceptionnelles de 10 000 euros pour le CCAS, et cela permettait d'aborder aussi la politique sociale de la ville via le dossier 97, mais je vous propose de nous arrêter sur cette dernière proposition, le dossier 100. Voilà, on est sur un chiffre tout rond, cela va permettre d'aborder la politique en matière de santé de la ville et surtout d'aborder deux événements qui vont se dérouler cette semaine, c'est 27 et 28 novembre, avec bien sûr l'approche du 1er décembre. décembre, qui n'est autre que la journée mondiale de lutte contre le sida. Et c'est Nadia Semach que vous allez retrouver de la majorité pour nous présenter tout cela. Orsan nous propose d'approuver des subventions pour un montant de 2 900 euros pour développer la prévention dans le domaine de la santé, avec un certain nombre de manifestations d'ailleurs dans le cadre de la journée mondiale contre le sida. Je ne sais pas si Nadia Semach veut nous en dire quelques mots, le spectacle et les deux journées de prévention. Donc, merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, la délibération que nous présentons aujourd'hui est la préparation de la journée de lutte contre le sida le 1er décembre. Depuis 2019, notre ville est labellisée ville engagée contre le sida. Ce label traduit notre engagement pour soutenir les personnes concernées par cette maladie, pour prévenir sa propagation, mais également sensibiliser les citoyens aux enjeux de lutte contre le VIH. Alors cette année, avec ma collègue Laura Signieri, nous avons travaillé sur des actions de dépistage. Elles se dérouleront le mercredi 27 et jeudi 28 novembre sous le slogan international « Poussons pour l'égalité ». Alors ce sont des dépistages qui seront gratuits, rapides, au centre municipal de la santé publique rue Francis Garnier. Ils vont se dérouler de 12h à 17h. Se faire dépister, c'est une démarche essentielle et importante, je le rappelle, pour connaître son statut et puis agir en conséquence. Ce sont en 2023 7500 dépistages qui ont été effectués en France et c'est 5500 personnes qui ont été dépistées. Alors ce sont également des équipes de prévention qui seront présentes place Jean Jaurès et puis dans tout le centre-ville pour informer et bien sûr sensibiliser. Ces actions, je vous le disais, sont importantes. Un dépistage est important car il y a la possibilité après d'avoir des traitements précoces et qui permettent non seulement de se protéger, mais également d'éviter la transmission du virus à d'autres. Nous avons plusieurs partenaires à nos côtés. Ce sont les associations ENIPS et AIDE. Donc aujourd'hui, nous leur verserons 1 000 euros de subvention. C'est aussi d'autres acteurs qui sont impliqués à nos côtés. C'est bien sûr la mission locale où il y aura de l'information, des actions de santé auprès du public jeune de 16 à 25 ans. Il y a aussi également certains laboratoires de Saint-Étienne, Aesio Santé. Et puis il y a également le centre de santé de la Cotonne, AMAD Santé, la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS, le ZEGI du CHU et également le nouveau planning familial. Grâce à cette collaboration, nous pouvons proposer des actions qui seront efficaces et accessibles à toutes. Nous avons aussi, nous avons bien sûr des initiatives symboliques pour rendre cette mobilisation visible, accrocher le ruban rouge, c'est le symbole universel de la lutte contre le sida sur le fronton de l'hôtel de ville, qui sera aussi illuminé en rouge, tout comme le puits Couriot. C'est également l'exposition portrait du VIH qui sera visible à l'hôtel de ville si vous souhaitez y passer. Donc cette exposition sera présente du 19 au 29 novembre pour mettre en lumière les réalités des personnes qui vivent avec le VIH. Enfin, nous avons souhaité organiser un spectacle caritatif avec la Ligue d'improvisation qui se déroulera donc le dimanche 1er décembre. Donc il se déroulera à la salle Les Trois Ducs. Ce spectacle est gratuit, c'est une occasion de se réunir autour d'un moment solidaire et de rappeler l'importance de notre engagement collectif. Vous êtes bien sûr toutes et tous invités le dimanche 1er décembre à 17h. C'est un moment, ça sera un moment important. Voilà, ces actions ne sont pas que des actions ponctuelles, elles ne se déroulent pas que le 1er décembre, mais bien sûr, c'est toute l'année que nous encourageons le dépistage, la prévention et l'accompagnement avec l'ensemble de l'équipe de la santé publique de Saint-Étienne et l'ensemble de nos partenaires. Nous rappelons également que la lutte contre le sida, c'est aussi une lutte contre les discriminations et les inégalités. Nous travaillons avec mes collègues, Marc Chasseau-Bénet, Siem Labiche, dans le cadre de sa délégation à Saint-Étienne Métropole. Nous devons veiller à ce que chacun, quelles que soient ses origines, son orientation sexuelle ou son parcours de vie, ait accès à la prévention et aux soins. L'accès aux soins est très important aujourd'hui. Merci à vous. Voilà pour ce dernier point, donc extrait de ce conseil municipal d'hier. Voilà, en une heure, très complexe, hein, vous l'imaginez, de rendre compte de 108 dossiers qui étaient à l'ordre du jour. Et puis, simple parenthèse et complément d'information, comme je l'ai fait durant tout ce programme, au-delà de ce 1er décembre et de cette journée mondiale de lutte contre le sida, une autre actualité en termes de santé, cela va peut-être aussi d'ailleurs nous ramener finalement et nous permettre de boucler la boucle, puisqu'on a parlé beaucoup d'affaires aussi, durant ce, en tout cas sur ce début de programme, une affaire justement encore d'agression et de harcèlement sexuel avec l'affaire Nevenka, un film espagnol qui est actuellement à l'affiche au Méliès et qui fait l'objet d'une dernière séance soirée. Il y a eu 4 soirées durant tout ce mois de novembre du côté du Méliès pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et bien c'est SOS Violence Conjugale 42 qui participera à un débat, c'est ce mardi soir, ce 26 novembre à partir de 20h au Méliès Saint-François, en ce lendemain de également 25 novembre, non pas de conseil mais de journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes et minorités de genre. Voilà pour ce dernier rendez-vous et cette séance spéciale du côté du Méliès. C'est la toute fin de ce programme, je le disais, dernier conseil municipal de cette année 2024. Le prochain se tiendra le 27 janvier 2025. Et pour le prochain conseil métropolitain, celui-ci, je voulais annoncer aussi au début de ce programme, ce sera le 5 décembre prochain. Voilà pour cette émission spéciale consacrée au conseil municipal de Saint-Étienne. On termine en musique, histoire encore de boucler la boucle, avec une annonce concert également. Ce groupe est de retour en région, il s'agit des Budshakers, qu'on apprécie particulièrement sur cette antenne. De retour avec un album qui est déjà en date d'il y a quelques temps, mais toujours aussi efficace, et ils le sont surtout sur scène, c'est absolument à apprécier en live, en effet, avec les Budshakers attendus, salle ou centre culturel de l'Échappée à Sorbier, ce vendredi soir 29 novembre. Et pour ce partenariat Dio, vous avez des places qui vous attendent, ça se passe tout de suite maintenant au bout du fil, au 04 77 25 05 94. Et pour bien terminer tout cela, tout ce programme, tout ce contenu et tout ce menu proposé du jour, Not In My Name, c'est précisément ce que l'on va écouter, et c'est bien sûr l'été Budshakers. Tout bon chez vous, portez-vous très bien, on se retrouve jeudi, même lieu, même heure. Ciao, bye. Living in fear. Come on, say it.